Bonjour. Voici un mot que l'on emploie avec tellement d'habitude que l'on en oublie le sens vrai. Bonjour. Dans ce petit mot tout simple que l'on dit par réflexe, autant que par politesse, on demande à notre interlocuteur de passer une journée bonne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en vous disant bonjour, j'ai bien peur de tomber à côté. Alors, vous dis-je mauvais jour ? Non, cela ne ferait qu'accentuer notre maussadité. Et si vous n'êtes pas encore triste, je ne ferai que vous rendre triste, voire même furax à mon encontre. Alors, pas bonjour. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de rire. J'aurais bien aimé parler de l'État islamique, des assistants européens du FN ou de la loi sur la fin de vie. Mais en me réveillant ce matin, j'ai entendu des pleurs, des noms de gens, incompréhension totale. Je me jette donc sur mon iPhone, vais voir les alertes tomber pendant la nuit et j'apprends comme vous ce qui s'est passé. Alors non, ce matin, je n'ai pas envie de rire. Simplement envie de rendre un petit hommage à mon niveau, à ces grands champions. Alors bravo à vous trois pour vos exploits, votre abnégation et votre talent. Et bravo aussi aux 7 autres personnes dont personne ne parle, mais qui ont eux aussi beaucoup de talent et d'expérience dans leur domaine pour avoir été envoyés sur ce genre d'émission et surtout qui ont eux aussi un frère, une sœur, des parents ou des enfants. Merci.